vendredi 13, de la noirceur de l'espace lointain et même des monstres au programme du jour. Noir, c'est noir, mais y a-t-il encore un espoir de comprendre ce qu'est cette énigmatique matière noire qui compose au moins un quart de l'univers ? On vous donne quelques indices dans cette émission. Les ondes gravitationnelles sont une réalité. Elles vont maintenant nous servir d'outils pour aller sonder les plus lointains mystères de l'espace. Et enfin, plus d'un siècle qu'il fait trembler les Écossais, serait-on arrivé enfin à percer, grâce à la science, l'énigme du monstre du Loch Ness ? Matière noire, ondes gravitationnelles et monstres du Loch Ness, c'est l'inquiétant programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme et commenter la riche actualité scientifique de la semaine, celles et ceux qui n'ont pas osé sonder les tréfonds de Crystal Lake ou de proposer une théorie scientifique sur l'immortalité de Jason, eh bien, c'est tout à leur honneur. Mathilde Fontaise, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, vous remplacez Caroline Tourbe, que nous saluons au passage, et bienvenue tous les mois dans la méthode scientifique. Vous représentez le magazine Science et Vie. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Et du magazine La Recherche, et bonjour Patrick Beau. Et bonjour. Et de la chaîne YouTube Axolot. Et pour commencer, elle seule autour de cette table sait que ce n'est pas Jason le tueur du premier vendredi 13. Elle connaît aussi accessoirement toute l'actualité scientifique de la semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour à tous. Et pour commencer ce journal, une nouvelle étude parue aujourd'hui dans Science, étude qui prouve que les néonicotinoïdes ont des effets délétères sur les oiseaux migrateurs. C'est peu surprenant, on connaît les effets collatéraux de ces produits sur d'autres espèces comme les abeilles et on a déjà montré qu'il y avait un lien entre les pesticides et le déclin des oiseaux. Mais la nouveauté, cette étude parvient à le quantifier et à révéler un des mécanismes impliqués. Une équipe canadienne a mené une expérimentation sur une trentaine de passereaux. Une partie d'entre eux a consommé un des néonicotinoïdes les plus courants et un autre groupe contrôle a suivi le même régime mais sans cette substance. Ils étaient également équipés de nouveaux petits émetteurs radio pour retracer leur migration. Alors d'une part, on observe que ceux qui consomment des pesticides perdent beaucoup de poids, alors que précisément les oiseaux doivent faire des réserves avant de partir en migration. Et d'autre part, cela les affaiblit au point de retarder leur envol migratoire de 3 à 4 jours. Frédéric Giguet est professeur au Musée national d'histoire naturelle en ornithologie et en biologie de la conservation. Il y a deux informations, c'est qu'on a effectivement un impact direct sur la physiologie, l'état de santé des individus, que l'on sait que des décalages de date de migration peuvent avoir des conséquences sur les capacités des oiseaux à passer au bon endroit au bon moment, à éviter des ouragans si c'est en automne, ou au printemps à revenir assez tôt pour se reproduire. Et les migrateurs qui arrivent trop tard au printemps vont être en décalage par rapport à leurs ressources alimentaires, que ce soit les chenilles par exemple. Au cours de l'évolution, en fait, les oiseaux se sont calés sur le pic d'abondance de la nourriture dont ils ont besoin pour leurs poussins. Si les oiseaux migrateurs arrivent 10 jours plus tard à cause de telle ou telle raison, au moment où les poussins auraient besoin de plus de nourriture, le pic d'abondance des chenilles est déjà passé, elles sont toutes en chrysalide et il n'y a plus de nourriture pour les poussins. Donc ils meurent, donc il y a moins de poussins, moins de jeunes qui s'envolent, moins de jeunes pour renouveler naturellement la population et des espèces qui déclinent. C'est une étude importante et qui montre un effet chez une espèce sur les dates de migration et le départ en migration. On ne connaît pas forcément tous les mécanismes. On peut dire que si on met plus de pesticides, il y a moins d'oiseaux. Alors est-ce que c'est parce que ça tue les insectes qui peuvent plus se nourrir, ils se reproduisent plus? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Donc là, on a une mesure d'un mécanisme possible. C'est certainement pas le seul. Il va falloir continuer à travailler. Il faut continuer à regarder sur les grandes bases de données de suivi de biodiversité si on peut mettre en relation l'utilisation de pesticides et la disparition de la biodiversité. En bref, dans une étude publiée hier dans le journal Joule, un nouvel appareil utilise la différence de température entre le jour et la nuit pour produire de l'électricité. Ce nouveau générateur d'énergie de 20 cm de diamètre fonctionne le soir et c'est une sorte de panneau antisolaire. Ce prototype utilise le refroidissement radiatif, le phénomène qui, après le coucher du soleil, rend les bâtiments et les parcs plus frais que l'air ambiant. Le noyau de cette machine est un générateur thermoélectrique. Lorsque sa partie supérieure se refroidit la nuit, la partie inférieure récupère la chaleur du sol. Il convertit ensuite la différence de chaleur en électricité. Le prototype connecté à un convertisseur de tension a réussi à alimenter une ampoule LED. Donc oui, ce n'est pas la solution énergétique de demain, mais c'est une preuve de concept. Et selon une étude parue dans la revue Cell Metabolism, les eaux libèrent une hormone qui nous aide à faire face au danger. Face à une menace, notre rythme cardiaque et notre respiration s'accélèrent, notre tension artérielle et notre température corporelle grimpent. On sait que ce sont les voies nerveuses du cerveau et les hormones des glandes surrénales qui coordonnent tout ça. Une équipe américaine vient de mettre en évidence un autre ingrédient qui gère nos systèmes de défense. Après diverses expériences sur des humains et sur des rats, on constate qu'en période de stress, les os libèrent de l'ostéocalcine. L'hormone permet de soutenir les muscles pendant l'effort et elle participe à l'ensemble de la coordination de l'action. Deuxième sujet de ce journal des sciences, l'observation d'un pulsar confirme une fois de plus les prédictions de la théorie de la relativité d'Einstein. Les données viennent d'être publiées dans la revue Science. Et encore une fois, Einstein avait raison. Découvert en 2005, ce pulsar est en orbite autour d'une étoile à neutrons. Il pèse environ 400 000 fois la masse de la Terre, mais il tient dans une boule de 10 km de diamètre. Puisqu'il est ultra dense, son intensité gravitationnelle devrait déformer l'espace-temps. Alors dès 2005, on se doutait que ce pulsar montrait des signes de précession. La précession, c'est le changement d'orientation de l'axe de rotation d'un astre qui, dans le cas du pulsar, est provoqué par l'influence gravitationnelle de l'étoile à neutrons qui l'accompagne. Pendant 14 ans, les astronomes de l'observatoire de Max Planck en Allemagne ont observé les faisceaux d'ondes radio émises par les pôles magnétiques de l'étoile. Non seulement ils ont mesuré avec précision les caractéristiques de ces ondes, et elles correspondent au modèle, mais en plus, cette découverte va permettre de mieux quantifier le nombre de pulsars binaires dans notre galaxie. Grégory Desvignes est astrophysicien à l'Observatoire de Paris, il a dirigé cette étude. Quand on analyse la polarisation de l'émission, on a des modèles qui nous informent sur la géométrie de ce système, qui nous donnent l'angle de la ligne de visée, et on voit que cet angle change en fonction du temps. Donc ça nous renseigne que notre ligne de visée coupe le faisceau d'émission du pulsar à différentes valeurs, différents angles, et qu'à un moment, notre ligne de visée est passée juste au-dessus du pôle magnétique, et qu'en ce moment, on s'éloigne au fur et à mesure. C'est un pulsar qui permet de faire plusieurs tests. Donc ce système permet de faire le meilleur test et la meilleure contrainte de l'effet de précession relativiste, un test avec une précision de 5% qui va s'améliorer au fur et à mesure des observations. Deuxièmement, ce système nous a renseigné pour la première fois sur la structure assez complète d'un faisceau d'émission d'un pulsar, donc notamment au moment où notre ligne de visée était juste au-dessus du pôle magnétique, et ça nous informait sur le fait que l'émission n'était pas de forme, on va dire, circulaire, parce qu'on a un faisceau d'émission conique ou autre, mais que cette émission était plus de manière allongée. On comprend mieux la structure d'émission des pulsars. On pourra remonter à une meilleure estimation du nombre total de pulsars dans notre galaxie, donc le nombre total de le système où on voit deux étoiles à neutrons, deux pulsars, et qui a des conséquences pour les taux de détection des détecteurs d'ondes gravitationnelles terrestres comme LIGO, Virgo. Et en bref, une deuxième comète interstellaire s'apprête à traverser notre galaxie. Après la découverte de Oumuamua en 2017, voici la comète Borisov. 6 fois plus lumineuse que sa consœur, elle devrait traverser notre système solaire dans quelques semaines. Alors on est bien sûr qu'il s'agit d'un objet interstellaire, car son orbite hyperbolique indique qu'elle échappe à la gravitation du Soleil. Borisov sera visible pendant près d'un an. Toute cette semaine dans le Journal des Sciences, que vous pouvez retrouver en podcast ou sur franceculture.fr, nous avons parlé pêle-mêle de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-12b. Nous avons vu notamment le fossile virtuel d'un ancêtre d'Homo sapiens. Nous avons vu comment le nombre de cas de séropositivité reculait à Paris. Également une étude sur le rajeunissement cette semaine, mais également sur le rajeunissement cellulaire, pardon, mais également cette semaine, Natacha, en ultra bref. En ultra bref, pour sauver de l'extinction le rhinocéros blanc du Nord, une équipe internationale a congelé 2 embryons. Ils ont utilisé des ovocytes des 2 dernières femelles et du sperme congelé des mâles décédés. Le dernier mâle de cette espèce est mort l'an dernier. Les embryons devraient être transférés dans des mères porteuses des rhinocéros blancs du Sud. La politicienne bulgare Maria Gabrielle devrait devenir la prochaine chef de la recherche européenne. Sauf que dans son nouveau titre, les mots « recherche » ou « science » ont disparu. Si le Parlement européen l'approuve, elle deviendra en novembre commissaire à l'innovation et à la jeunesse, un titre qui inquiète la communauté scientifique quant à la place des sciences au sein du pouvoir exécutif. Et enfin, les amants de Modem, les deux squelettes datant du 4e siècle et enterrés main dans la main, ces squelettes sont ceux de deux hommes. L'équipe italienne a trouvé dans l'émail de leurs dents une protéine, la protéine Y, que l'on ne trouve que chez les hommes. Ce sont les amants de Modène, hein. Le Modem c'est un parti politique, on va éviter de se tromper. Modène en Italie, oui. Oui, c'est ça. Et comme chaque semaine, on va terminer avec notre rubrique que vous attendez toutes et tous, celle des sciences improbables. Et c'est un peu le moment de triomphe de la rubrique de sciences improbables de l'année, puisque hier soir s'est déroulée la 29e cérémonie des prix Ig Nobel, les Nobel des sciences improbables, Natacha. Cette parodie des Nobel récompense les études dites insolites mais qui font réfléchir. Alors parmi les lauréats cette année, deux Français pour le prix Ig Nobel d'anatomie. Bourras Benghoudifa et Roger Mieusset ont été récompensés pour leurs travaux sur la température des testicules. Peu importe vos vêtements ou votre activité, le scrotum droit est plus chaud que le gauche. Le prix Ig Nobel de chimie a été remis à une équipe japonaise pour son étude sur la quantité de bave qu'un enfant de 5 ans est capable de produire. 8 litres. Presque. Par minute. 500 millilitres de salive par jour. Ce qui est pas mal déjà. Et le prix Ig Nobel de la paix a récompensé une recherche anglaise de dermatologie qui répond à une question. Pourquoi éprouve-t-on du plaisir à gratter nos croûtes et en particulier celle de la cheville plutôt que celle du bras? Voilà, vous tous qui avez des croûtes aux chevilles, maintenant vous êtes reconnus grâce à cette étude. Merci Natacha. Peut-être on va faire un petit tour de table, pas forcément sur les prix Nobel. Je crois qu'il y a aussi un des prix qui nous explique que la pizza est bonne pour lutter contre le cancer, c'est ça? Oui, c'est ça, le prix Nobel de médecine. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces prix et puis l'intégralité des études dont on vient de parler dans le Journal des Sciences sur notre fil Twitter @laméthodefc, des réactions les uns les autres à ce que vous venez d'entendre ou plus généralement à l'actualité scientifique de la semaine, Sylvain ? Oui, il y a plusieurs sujets qui m'ont intéressé, notamment le sujet sur la vapeur d'eau dans cette exoplanète, ouais. K2-18b. J'ai écouté le sujet que Natacha a fait à ce sujet et effectivement, dans ces études, il faut toujours être un peu prudent quand on parle d'eau à l'extérieur de la Terre, en fait. On peut rappeler pour les auditeurs qui n'étaient pas là, effectivement, donc on a découvert vraisemblablement des traces de vapeur d'eau. On a tout de suite entendu, comme souvent, c'était le cas d'une autre émission dans les informations générales, en disant « Ah, ça y est, une super Terre, de la vapeur d'eau, de la vie, c'est tout juste, il n'y en avait pas des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres qui nous envoyaient des signaux. » Or, effectivement, la réalité est plus nuancée, l'étude elle-même est plus nuancée. Bien sûr. C'est une planète qui ressemble plus à Uranus. Uranus ou Neptune, c'est-à-dire avec une petite noyau rocheux et une grosse croûte voilà. Gazeuse. Et éventuellement, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que pour des planètes de cette taille, qui sont quand même plus grosses que la Terre, c'est la première fois, apparemment, que les scientifiques détectent la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère, puisqu'on connaissait déjà la vapeur d'eau présente en abondance dans les atmosphères des planètes géantes gazeuses extrasolaires qu'on connaît déjà. Et donc là, pour des planètes plus petites, c'est intéressant et c'est aussi un beau tour de force expérimental parce que c'est assez difficile avec les instruments actuels de détecter la vapeur d'eau. Les limites de cette étude sont surtout que pour vraiment faire des progrès dans ces domaines, les astronomes pensent qu'ils ont besoin d'instruments plus performants et justement ils attendent la prochaine génération de télescopes, notamment le successeur de Hubble, qu'on espère sera lancé. Le James Webb, voilà, qui a été assemblé la semaine dernière. Voilà, on espère qu'il sera lancé en 2021. C'est vraiment un des instruments que la communauté attend avec impatience pour justement étudier les atmosphères des exoplanètes. Oui, pour beaucoup de raisons, et qui va pouvoir faire effectivement de la spectroscopie beaucoup plus fine sur l'atmosphère des exoplanètes. Mathilde, oui, sur cette planète. Je voulais ajouter qu'en fait, finalement, il y a cette idée que l'eau, la vie, et du coup, on cherche des terres, etc., zone habitable. Mais en fait, ce qui m'a interpellé dans cette étude, et ce qui, je pense, est fondamental, c'est que on a découvert toute une catégorie de planètes qui n'existaient pas avant. En observant les exoplanètes, on a dans le système solaire des planètes telluriques qui sont petites et rocheuses et des planètes gazeuses qui sont grosses et gazeuses. Et bien dans toutes les données des exoplanètes, on a découvert énormément de planètes qui sont intermédiaires. Et quand on parle de super Terre, quand on parle de mini Neptune, on est complètement confus dans le vocabulaire parce que le vocabulaire n'a pas encore été posé pour cette catégorie de planètes qui est un peu intermédiaire et qui n'existe pas dans notre système solaire. Et là, c'est la première fois qu'on a caractérisé l'atmosphère d'une planète intermédiaire, d'un type de planète qui n'existe pas dans notre système solaire, qu'on peut appeler super Terre des fois, qu'on peut appeler mini Neptune. Et donc c'est vraiment un pas important pour la géophysique. Donc après, bien sûr, c'est pas le pas important pour la découverte de la vie extraterrestre ou d'une planète habitable, etc. Mais je crois que les géophysiciens qui s'intéressent aux exoplanètes et même enfin, sont passionnés par cette découverte. Et puis on peut rappeler aussi à quel point ça nous fait réaliser à chaque fois à quel point notre système solaire est un système très particulier par rapport à ceux que l'on peut observer, qui ne ressemblent pas du tout, et notre système solaire est vraiment très très singulier et qu'il faut éviter justement, sachant cela, ce qu'on pourrait appeler le système solarocentrisme ou quelque chose comme ça, pour tout rapporter à la structure de notre... Oui, absolument. Mais moi je pense que les astronomes ont justement lors de la première, il y a plus de 10 ans maintenant, 20 ans même, la première détection de l'exoplanète en 1995 était une grosse surprise parce que c'était effectivement une planète géante de la taille de Jupiter ou presque, gazeuse, mais qui orbitait vraiment très près de son soleil. Et les astronomes ne s'attendaient pas du tout à ce que ce type de configuration puisse exister, et c'est pour ça que la découverte a vraiment été une surprise. Mais maintenant, l'idée a fait son chemin, effectivement, le système solaire est peut-être une exception dans l'univers. Patrick, il y a des choses qui vous ont intéressé. Par rapport à ça, j'ai eu la chance en début d'année d'aller tourner dans les plus grands observatoires du Chili pour un documentaire justement sur les exoplanètes, et on a pu aller tourner sur le site du chantier de l'ELT, qui sera le plus grand télescope au sol du monde, qui fera 39 mètres de diamètre, le miroir fera 39 mètres, et les astrophysiciens qu'on a rencontrés là-bas nous ont expliqué que il y a de fortes chances que dès que le télescope sera mis en service, donc a priori ce serait en 2025, on fera des découvertes qu'on a même du mal à imaginer aujourd'hui, quoi, puisque ce télescope permettra notamment d'analyser avec beaucoup plus de précision l'atmosphère des exoplanètes. Et donc je pense notamment à un astrophysicien qu'on a rencontré là-bas qui nous a dit que pour lui, dans une fourchette de 5 à 10 ans, on détectera probablement de la vie sur une exoplanète. Voilà, ça, il nous l'a pas dit. Des biosignatures, attendez, alors on n'arrête pas d'essayer de calmer, de retenir les chevaux dans cette émission. Oui, il nous l'a pas dit face caméra, hein. Ça, il l'a dit hors caméra, en lui disant, moi, je pense que, voilà, avec ces outils-là, donc oui, l'ELT, ça promet. Ça reste l'un de leurs espoirs, bien sûr, il ne faut pas le taire. Oui. Non, bien sûr. Trouver la vie, bien sûr. Quand on dit trouver de la vie, en fait, on cherche, par spectroscopie, à trouver des biosignatures dans l'atmosphère qui nous donneraient des indices que... Et après, il y aura 10, 20, 30 ans de modélisation pour vérifier que ce signal ne peut pas être produit par une géophysique inerte. Et à la fin seulement de ces 30 années de modélisation et de simulation, ils pourront dire, on a tout essayé, il n'y a que la vie qui peut faire ça, donc il doit y avoir de la vie là-bas. Mais ça reste quand même un espoir. Et c'est vrai que quand on parle avec les chercheurs, il y a d'un côté cette manière d'être prudent et de dire, non, on parle de vapeur d'eau dans une atmosphère, on parle de zone habitable, mais c'est un concept, il ne s'agit pas, voilà. Et à la fois, d'un autre côté, c'est quand même cette quête-là qu'ils poursuivent. Et ils ont ce but-là, ce rêve-là, en tête tout le temps. Et à 16h18 sur France Culture, dans la méthode scientifique, c'est notre vendredi consacré donc à l'actualité des sciences et de la recherche. Et pour commencer, enfin pour prendre ce tour de table, maintenant que le journal des sciences est passé, on va parler un peu du modèle standard de la physique. Ce modèle standard qui est un modèle solide, notre cosmologie qui a été affinée mois après mois par des observations, des mesures satellites, des analyses. Ce modèle est d'une robustesse quasi sans faille, oui, mais voilà, il y a quand même un petit problème, c'est que la matière que nous observons, la matière baryonique, les galaxies, les étoiles, bref, tout ce que nous pouvons observer directement ou indirectement, ne représente que 5% de la masse totale de l'univers. Et pour que ces modèles de l'astrophysique standard fonctionnent, il faut que l'univers soit constitué de 26,8% à peu près de matière noire. Le reste d'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est, Mathilde Fontaine. C'est le problème, c'est que cette matière noire, elle doit être là pour que le modèle marche, mais on ne sait pas ce que c'est, mais... on a des indices. Oui. Ou des théories, des hypothèses. On est dans un moment particulier. En tout cas, c'est ça. La matière noire, elle doit exister pour que le modèle marche, mais elle doit exister pour que les galaxies tournent à la vitesse à laquelle elles tournent, enfin les étoiles dans les galaxies, pour que les galaxies tournent à la vitesse à laquelle elles tournent dans les amas galactiques. Elle doit exister pour que même les structures galactiques se soient formées un jour dans l'univers. Puisque, par exemple, quand on regarde le fond de l'univers et les petits grumeaux qu'il y avait au départ dans ce plasma super dense et super chaud, il manque quelque chose pour pouvoir avoir formé l'univers tel qu'on qu'on connaît après en se dilatant, etc., en se refroidissant. Donc ça, on le sait depuis très longtemps. Et donc cette quête est poursuivie depuis très longtemps par les chercheurs. Sauf que on vit un moment particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même un candidat idéal pour incarner cette matière noire qui constitue l'univers. Donc si on parle juste en masse, c'est-à-dire en mettant l'énergie noire de côté, c'est quand même 85% de la masse de l'univers. Donc voilà. Et les étoiles et les planètes, ça représente 1% de la masse de l'univers. Donc c'est vraiment la grande majorité de la masse de l'univers qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et donc les chercheurs sont partis avec un candidat idéal qui s'appelle WIMP, dont nos auditeurs ont sans doute déjà entendu parler. Dont on a parlé à ce micro pour Weakly Interactive Massive Particles. Voilà, exactement, ou Mauviette. Mauviette. Traduit littéralement. C'est ça. Donc il s'agit. C'est-à-dire avec des particules massives à faible interaction. Voilà. Pour traduire en français. C'est ça. Il s'agit d'une particule qui a l'avantage d'être à la fois massive et à la fois de peu interagir avec les autres particules autrement que par gravitation. Et donc d'être invisible. En gros, elle peut accélérer. Elle s'organiserait comme une sorte de halo autour des galaxies et elle accélérera comme ça la course des étoiles dans la galaxie sans pour autant interagir avec elle de manière électromagnétique, par exemple, etc. Donc, évidemment, cette particule a été longtemps cherchée. Il y a eu, en 2010, un peu un moment charnière, puisque le LHC, cet accélérateur de particules au CERN, a atteint les énergies suffisantes pour détecter le WIMP, en tout cas dans les intervalles de masse pour lesquels il était prédit. Puisqu'en fait, le WIMP est une prédiction assez solide théoriquement. Il n'est pas venu comme ça, on ne s'est pas dit, il nous faut une particule avec telle masse, etc. Il a découlé assez naturellement de théories de physique des particules. Il a résolu certains problèmes théoriques au passage, et donc c'était ce qui a fait que les physiciens se sont attachés aussi à cette particule en se disant bon, elle est fondée sur quelque chose de solide. Oui, sur un modèle solide. Voilà. Et en 2010, donc pas de WIMP au LHC. Donc c'est un peu ça a provoqué quand même une certaine crise de la communauté d'astrophysique et de physiciens des particules. Et c'est là que depuis 9 ans, il y a comme ça plusieurs autres idées finalement pour essayer d'incarner cette matière noire qui sont en train de revenir, qui ont toujours un peu existé pour certaines, d'autres sont plus nouvelles, et qui sont en train un peu de faire leur place, de revenir, de mobiliser aussi plus de travaux de chercheurs puisque voilà. Il faut bien trouver ce que c'est. Il faut bien trouver ce que c'est. Et donc c'est dans le dossier de Science et Vie de ce mois de septembre. Voilà, c'est dans le dossier de Science et Vie de ce mois de septembre qu'on détaille toutes ces idées folles en fait, qui viennent un peu bousculer. Voilà, on en a dénombré 7, il y en avait plus. On a sélectionné celles qui étaient vraiment sérieusement considérées par la communauté, les plus solides, etc. Donc parmi ces idées, il y a des particules. C'est-à-dire, si le WIMP n'est pas la matière noire, ça peut être une autre particule qui s'appelle l'action, qui a été prédite dans des conditions à peu près similaires à celles du WIMP dans les années 70, mais qui est un petit peu différente, qui est ultra légère, qui pourrait peut-être être détectée dans les prochaines années. Ça pourrait aussi être un neutrino stérile, par exemple, donc une quatrième forme de neutrino. On sait que le neutrino est une particule qui existe sous trois formes dans l'univers. Il pourrait y exister une quatrième forme de neutrino qui interagit très très peu avec les autres particules et qui pourrait jouer aussi ce rôle de matière noire. Le neutrino étant cherché par d'autres pans de la physique aussi, notamment, et donc du coup, ça voilà, toutes ces recherches existent. Mais il y a aussi c'est ce que je voulais développer aujourd'hui plus précisément. Bien sûr. Il y a aussi des théories non particulières. Par exemple, la matière noire pourrait être un trou noir, tout simplement. Ça, c'est intéressant. La matière noire, c'est un astre. C'est rigolo parce qu'on en parlait à ce micro il n'y a pas très longtemps. Alors, on ne parlait pas de trou noir, mais on parlait de trou blanc avec Carlo Rovelli. Ah, oui. Et qui est un candidat exotique, certes, mais qui pourrait être un candidat des petits trous blancs qu'on ne distinguerait pas de trou noir. On va vous remettre le lien vers l'émission. Carlo Rovelli expliquait ça beaucoup mieux que moi. Et c'était un candidat exotique. Mais l'idée que la matière noire serait donc des astres, c'est intéressant ça. L'idée que la matière noire ne serait. En fait, on n'aurait pas besoin d'ajouter une nouvelle particule au modèle standard des particules, on n'aurait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, simplement il y aurait des astres qu'on ignorait et qui se seraient formés tout au début de l'univers. Donc c'est une idée qui a été formulée il y a un moment, mais par Stephen Hawking en 1971, et qui donc a été assez remarqué puisque son auteur n'était pas un inconnu, mais qui est vite tombé à l'eau parce qu'on a cherché ces trous noirs. Donc ces trous noirs, c'est quoi? On a cherché ces trous noirs, pardon, et on les a pas trouvés au départ. Ces trous noirs, c'est quoi? Ce sont des trous noirs qui seraient nés dans l'univers primordial. Donc au début, l'univers était un plasma chaud, et à ce moment-là, en fait, dans ce magma un peu quantique, il aurait pu y avoir des effondrements locaux qui auraient créé des micro-trous noirs, c'est-à-dire des trous noirs de quelques kilomètres seulement, et de masse autour de la masse du Soleil à peu près. Et qui se serait comme ça produit, mais un peu partout dans ce plasma, et ce plasma se dilatant, se refroidissant, ces trous noirs auraient été disséminés comme ça, en étant vraiment très très nombreux, et ils seraient présents... En très très grande quantité, et ils seraient présents partout dans l'univers, partout autour de nous, mais tellement petits qu'invisibles. Donc il y a quand même des campagnes d'observation qui ont été lancées et qui n'ont rien trouvé, donc l'hypothèse a été abandonnée jusqu'à ce qu'en 2015, on commence à détecter des ondes gravitationnelles, et qu'on tombe sur des trous noirs d'une masse un peu étonnante, de 30 masses solaires. De masse intermédiaire, qui sont des trous noirs qui sont beaucoup trop petits pour le coup pour être des trous noirs supermassifs. Vous savez, ces monstres qui règnent au centre des galaxies et qui sont un peu trop gros quand même pour être des trous noirs stellaires. En tout cas, on n'a pas de mécanisme de mort d'étoiles qui fasse une contraction qui donne à la fin un trou noir de 30 masses solaires. Et donc du coup, cette idée de micro-trou noir est revenue un peu sur le devant de la scène et a remobilisé des chercheurs. Et justement, donc dans le cadre de la matière noire, il y a des modèles qui sont en cours et qui montrent que voilà, ces trous noirs, leur distribution pourrait bien contraindre, structurer l'univers et jouer ce rôle de matière noire qu'on observe aujourd'hui. Ça, c'est l'une des 7 théories que vous détaillez. Il y en a d'autres qui sont effectivement assez intéressants et assez excitants. Il y a l'hypothèse selon laquelle la matière noire serait une forme de gravitation différente. Oui, alors celle-là, moi je l'adore, c'est ma préférée. Moi je préfère la troisième, mais comment savoir celle-là? Alors on dira après pourquoi justement on est obligé finalement de dire qu'on l'adore ou qu'on y adhère ou qu'on la préfère, et les chercheurs sont bien en peine de ne pas faire la même chose puisque en l'absence de preuves on est obligé de se faire des petites religions. Mais oui, celle-ci, elle a été proposée, donc il s'agit de dire en fait tout simplement qu'il n'y a pas de matière noire, que l'univers est tel rempli de la matière qu'on connaît, mais simplement que la gravitation n'est pas celle qu'on croit, que les lois de la gravitation serait modifié, en tout cas sous certains régimes. Alors ça a été proposé d'une manière complètement effective, c'est-à-dire par Mordechai Milgrom, qui est un théoricien israélien en 83, une simple petite modification des équations Newton pour changer la gravitation dans un régime particulier et dire qu'en gros elle était plus forte, elle diminuait plus lentement avec la distance sous certains régimes, et donc ça expliquait l'accélération des étoiles dans les galaxies. C'est la théorie monde dont on a déjà parlé ici pour les voilà. Pour Modified Newton Dynamique. C'est ça. La dynamique newtonienne modifiée. Voilà. Et donc cette théorie existe, elle fonctionne bien à l'échelle des galaxies, elle fonctionne beaucoup moins bien à l'échelle des amas. Mais de toute façon, elle n'est pas satisfaisante parce qu'il s'agit d'une théorie effective. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une loi qui est posée pour coller aux observations. Sauf que dernièrement, en 2016 notamment, il y a eu des travaux théoriques qui ont contribué à fonder cette loi. Et ça commence à enthousiasmer pas mal les astrophysiciens du domaine. En tout cas, ceux qui veulent voir un peu bousculer le WIMP et essayer de voir ces théories alternatives être plus étudiées. Donc, il s'agit d'une théorie d'Eric Verlinde qui avait déjà fait la une de Science et Vie il y a des années. Pour une théorie plus globale, en fait, juste sur la physique, sur la cosmologie, et qui là revient avec il a retravaillé sa théorie. Donc sa théorie, elle est basée sur quoi ? Sur, en fait, il essaye de donner corps à la gravitation au niveau microscopique. En fait, il commence par travailler. Pour lui, la gravitation est un phénomène émergent qui émerge, en fait, de la structure microscopique de l'espace-temps. Donc en fait, il voit l'espace-temps. Alors, c'est un théoricien qui est intéressant notamment et qui est jugé intéressant parce qu'il va allier toutes les théories qui sont actuellement très en vogue dans la physique théorique. Donc il va allier la thermodynamique d'une part, l'informatique quantique d'autre part, et puis il mélange tout ça, il brasse les concepts et il sort une description microscopique de l'espace-temps sous la forme de qubits, donc en fait une description informationnelle de l'espace-temps. Donc il faut imaginer l'espace-temps comme une espèce de réseau de qubits, et ces qubits sont intriqués. Donc l'intrication, c'est ce phénomène quantique qui permet de relier par-delà à l'espace des particules, donc même distantes, elles sont liées par un lien un peu... Des qubits à l'échelle de Planck, hein, c'est-à-dire 10^-35, c'est-à-dire vraiment, c'est l'espace granulaire qu'on peut retrouver dans la gravitation quantique à boucle. Il quantifie ça à 10^-23, donc c'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule, et donc on imagine l'univers comme ça, la trame de l'univers microscopique, sous la forme d'une espèce de magma, de réseau quantique tout à fait intriqué, et donc avec des intrications à longue distance. Donc cet espace-temps sans masse est plat, et dès qu'on met une masse dedans, eh bien ça perturbe les liens d'intrication entre les différents qubits de l'univers, et c'est de là qu'en fait qu'émerge notre impression de gravité qu'on perçoit aujourd'hui. C'est de là qu'émerge du coup notre impression de, par exemple, des déviation de la lumière aux abords d'une masse, etc. Et donc, en développant ça, il a trouvé, il a retrouvé les mêmes résultats que les résultats observés. Il a retrouvé la loi proposée par Mordecai Milgrom, la loi du monde. Et il retrouve exactement ce qu'on observe. Alors, pour l'instant, il s'agit d'une ébauche, puisque comme sa théorie, elle se base sur une description de la gravitation microscopique. Et on sait bien que pour ça, il faut une théorie de la relativité générale quantique. Ce qui n'existe pas actuellement, ces deux théories restent irréconciliables. Mmh. Donc, pour aller plus loin, il faudra travailler sur la gravitation quantique. Mmh. Mais c'est un bon début. Et dernière, troisième sur les sept, hein, parce qu'il fallait faire des choix. C'est vrai que celle-là est très séduisante, j'avoue. Je vois même Sylvain Guilbeault qui a l'œil qui frise. Mais moi, j'aime bien, mais c'est parce que c'est mon côté science-fiction, forcément, c'est qui parle. J'aime bien le Dark Sector. J'aime bien le Dark Sector. En plus, c'est un super titre de SF. Racontez-nous ce que c'est que cette théorie des nouvelles interactions entre des univers qui seraient des univers juxtaposés. Oui, alors en fait, on rappelle que notre modèle standard de physique des particules à nous, ce sont 25 particules, ce sont 4 interactions, une interaction électromagnétique, une interaction nucléaire, une forte et faible, plus la gravitation. Donc tout ça ensemble, ça fait le monde dans lequel on vit. Ces chercheurs-là se sont dit, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un monde qui cohabiterait avec celui-là ? Donc pas un monde, c'est-à-dire pas une étoile noire à côté d'une étoile visible et une planète noire à côté d'une planète visible, aussi séduisant que cela puisse être, mais un groupe de particules en fait, qui serait semblable au nôtre avec des interactions spécifiques. Donc il y a tous des travaux théoriques qui ont été lancés là-dessus. Il y a même des travaux qui ont commencé à préciser, par exemple, certaines de ces interactions, on va dire noires ou obscures. Par exemple, une interaction qui ressemblerait un peu à notre interaction électromagnétique et qui permettrait à des particules de se repousser ou de s'attirer, mais sans forcément passer par une électricité, etc. Et donc il y a ces travaux-là qui disent finalement, la matière noire, on dit que c'est une particule pour simplifier la chose, mais est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il s'agit carrément d'un modèle standard de particules qui serait avec des interactions différentes de celles qu'on connaît, nous, pour notre modèle standard. Sylvain Guilbeault, une préférence ? Une oui. Chapelle ? Alors, une religion ? J'avoue que j'ai une préférence pour une théorie qui n'a même pas encore été citée, mais puisqu'il y en a plein, on rajoute une autre. C'est une théorie qui est notamment développée par Justin Curry, qui est un physicien canadien qui travaille aux États-Unis, et c'est l'idée d'une matière noire qui serait super fluide, donc qui serait constituée de particules, mais de telle sorte que les particules interagiraient différemment selon qu'elles sont dans notre environnement proche, entre guillemets, au niveau de la galaxie. Et dans ce cas-là, elles reproduiraient des interactions de type monde qu'on a évoqué. Mais à grande distance, du coup, elles interagiraient moins et elles reproduiraient les résultats qu'on peut observer avec le fond diffus cosmologique. Et du coup, ça serait un peu le meilleur des deux mondes entre une théorie des particules et une théorie de gravitation modifiée. Bon, après, bien sûr, la théorie de Fehrlinde, si jamais on réussit à pouvoir trouver des évidences observationnelles, ça serait encore plus beau. Votre opinion, Patrick, est-ce que vous avez une préférence? Évidemment, ne serait-ce que pour le titre. Dark Sector, évidemment. Le cinéma fantastique, Dark Sector. Dark Sector, forcément, ça s'impose. Je le précise aux auditeurs, j'ai déjà déposé un copyright pour une fiction sur ce nom, n'essayez même pas. Un mot peut-être pour conclure, Mathilde, évidemment, on peut retrouver toutes ces explications et puis les autres hypothèses dans le numéro de Science et Vie de ce mois-ci, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des pistes pour discriminer ce qui pourrait des indices qui feraient pencher la balance dans l'un de ces sept camps? Chacune de ces théories, et c'était d'ailleurs l'un de nos prérequis pour les sélectionner, chacune de ces théories est en train d'être investiguée expérimentalement. Il y a des tests, donc soit avec des télescopes, des observations en télescope pour les particules. Il y a le LHC qui va refonctionner et qui va par exemple faire de nouveaux tests à plus haute énergie. Mais il y a quand même en préparant ce dossier, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une sorte de crise, en tout cas de doute. Il y a en particulier un livre qui est sorti avant qu'on prépare ce dossier d'une chercheuse qui s'appelle Sabine Ossenfelder et qui a fait un peu de bruit dans la communauté, qui est un livre qui, on vous donnera le lien. Bien sûr, on va le mettre même immédiatement sur le fil Twitter de l'émission « @lamethodefc ». Qui discute justement cette obligation finalement qu'ont les chercheurs maintenant, qu'il est très difficile de trouver des preuves expérimentales pour discriminer les théories. Donc, puisqu'elle rappelle par exemple qu'il y a eu 25 ans entre la prédiction du neutrino et sa détection, il y a eu 50 ans pour le bouillon de Higgs, il y a eu 100 ans pour les ondes gravitationnelles, et que maintenant on est arrivé à un moment finalement où le temps de prouver une théorie est plus long que la carrière d'un chercheur. Et donc le chercheur est obligé de faire des paris, de faire des choix sur les théories qui va aller poursuivre, qui va aller étudier. Et ces choix, forcément, ils sont sociologiques. Ils sont, en tout cas, ils sont pas objectivement scientifiques. Donc elle discute dans son livre comme ça, toutes les raisons qui poussent les scientifiques à vouloir opter pour une théorie et plutôt que pour une autre. Et on sent bien dans ces recherches sur la matière noire qui a comme ça effectivement un peu des guerres de chapelle aussi, et que la physique quelque part est un peu en crise, quoi. On organisera, ça me donne l'envie d'organiser une sorte de grande table où on débattrait chacun de savoir quelle est votre théorie, votre hypothèse préférée. On s'arracherait les cheveux, serait un peu vivant, serait de la physique sanguine. Bon. La physique physique. Tobacco stains our yellow teeth and all our fingers and underneath fingernails that clasp on sheets as we try desperately to sleep. Hearts are sad and eyes are tired and all this Red Bull keeps us wired. Gives us wings, it gives us rings around our eyes. We put three sugars in our tea, sit to watch daytime TV and laugh at mums who don't know who the father is. And all our girlfriends are long gone, we watch too much internet porn. Who needs love when you've got silicone and strap-ons? Beer bloats our spoiled guts and shit jobs keep us in ruts and keep us eyeing up the what's and ifs and buts and maybes. And falling over in the street is just a part of every week. We lie drunkenly just staring at the stars. Remember when they were in reach and all the teachers used to teach? You can do anything if you put your mind to it. We put our minds to it all, but disappointment crashed the ball. We could have done anything, we just never quite knew it. So untie your scarf on tight, it's to be a cold night. Tie your scarf on tight, it's to be a cold night. Tie your scarf on tight, it's to be a cold night. Staring at the Star des Passengers sur France Culture à 16h36. Il paraît, il y a des photons noirs dans le Dark Sector. Je pense qu'il y a vraiment des émissions qu'il va falloir faire très très rapidement sur cette histoire. Mais on va continuer à regarder effectivement et à scruter l'univers et les étoiles. C'est ce qui a fallu cette méchante scolieuse à Sylvain Guilbeault à force de passer des nuits à sa fenêtre avec sa lunette à regarder la nuit étoilée. Sauf que la lunette est évidemment un peu dépassée aujourd'hui pour scruter l'espace. On peut l'observer grâce à de multiples appareils sous toutes les coutures, à toutes les longueurs d'onde. Et depuis 2015, on en parlait tout à l'heure, un nouveau type d'onde nous permet de voir l'espace différemment sous un nouvel angle, pourrait-on dire, en quelque sorte, sont les ondes gravitationnelles, Sylvain Guilbeault. Maintenant qu'on les détecte à gogo, on en a détecté encore il y a peu de temps, la semaine dernière je crois, eh bien on va pouvoir se servir de ces ondes pour avoir accès peut-être à des recoins de l'univers auxquels on ne pouvait pas avoir accès grâce à l'appareillage dont on dispose aujourd'hui. Absolument, et pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, trouver des réponses à par exemple des questions très théoriques qu'on a évoquées juste avant, c'est-à-dire quelles théories pourraient dépasser la relativité générale, entre autres, puisque notamment déjà les mesures qu'on fait aujourd'hui permettent de commencer à cerner le problème. Déjà peut-être rappeler un peu les ondes gravitationnelles, comme vous l'avez dit Nicolas, vous avez déjà fait des émissions sur le sujet. Les ondes gravitationnelles, c'est donc des vibrations de la structure de l'espace-temps lui-même. Vraiment l'espace-temps dans lequel l'univers entier baigne, vibre lorsque des objets en son sein accélèrent. Alors, il y a une condition, il faut que ces objets ne soient pas, que la répartition de masse ne soit pas complètement sphérique. Une étoile parfaitement sphérique qui tourne sur elle-même, bon, elle accélère, mais elle ne crée pas d'onde gravitationnelle. En revanche, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, elles vont créer des ondes gravitationnelles. Bien sûr, la question, deux étoiles, il faut qu'elles soient très massives pour qu'elles créent des ondes gravitationnelles suffisamment intenses pour que sur Terre, à des millions d'années-lumière, on puisse les détecter. C'est vraiment détecter ces ondes gravitationnelles, ça a été fait la première fois le 14 septembre 2015, je crois que c'est une date qui est déjà marquée dans l'histoire des sciences, puisque c'est la date à laquelle les instruments LIGO, qui sont donc des gigantesques instruments aux États-Unis, alors depuis ont été rejoints par un instrument en Italie, Virgo, mais ont détecté des ondes gravitationnelles, donc des vibrations de l'espace-temps qui ont été émises lors de la fusion de deux trous noirs qui a été observé à des milliards d'années-lumière. C'est vraiment un événement hyper important puisque ça a en quelque sorte clos une quête d'un siècle dans l'histoire de la physique, puisque ça avait commencé avec Einstein qui avait prédit l'existence des ondes. Depuis 2015 et cette date a marqué d'une pierre blanche, il y a eu une dizaine d'autres détections d'ondes gravitationnelles, notamment une détection aussi très importante le 17 août 2017, là encore je donne la date exacte puisqu'elle elle est importante, c'est la première fois qu'on a vu la fusion, grâce aux ondes gravitationnelles, la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc là, ce sont des étoiles vraiment qui... Des étoiles, on peut dire, qui ont vécu leur vie, des étoiles géantes qui se sont effondrées sur elles-mêmes pour former des étoiles extrêmement compactes, très très denses. Voilà, qui peuvent d'ailleurs être parfois appelées pulsars, comme on l'a évoqué dans les actualités. Les pulsars sont en fait des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui émettent des jets d'ondes radio qui peuvent être ces ondes radio détectées jusqu'à la Terre. Mais lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles peuvent soit donner une autre étoile à neutrons, soit un trou noir. D'ailleurs, c'est une question qui reste en suspens aujourd'hui. Mais en plus, quand elles fusionnent, elles émettent aussi de la lumière. C'est-à-dire, en plus des ondes gravitationnelles qu'on a détectées, elles émettent tout un tas de longueurs d'onde différentes, un phénomène lumineux assez spectaculaire qu'on appelle kilonova et qui commence dans le bleu et puis le rouge et puis des rayons X et les ondes radio pour finir. Et ces ondes lumineuses ont été captées en plus des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire que vraiment l'astronomie actuellement est en train de devenir ce que les scientifiques appellent multimessager. Ils ne se contentent plus d'observer une seule longueur d'onde, mais tout en même temps, plus les ondes gravitationnelles, plus éventuellement des particules comme les neutrinos. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on les détecte, je le disais, il y a la dernière détection, je crois, date du 28 août, on en avait parlé ici, hein, puisqu'on a, on a deux signaux de deux fusions de trous noirs ont été détectés à 21 minutes d'intervalle, et on pense qu'il s'agit en fait du même signal qui a été scindé en deux par un effet de lentille gravitationnelle. Je vous renvoie au Journal des Sciences où nous avions expliqué ce phénomène. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, grâce à ces ondes gravitationnelles, on va pouvoir voir l'espace, et notamment l'espace profond, avec un nouveau regard, et peut-être aller même plus loin que ce que l'on peut aujourd'hui observer grâce aux instruments dont on dispose. Tout à fait, parce que d'une part, par exemple, les fusions d'étoiles à neutrons, on savait que théoriquement ça pouvait exister, on savait observationnellement que ça pouvait exister. Les fusions de trous noirs, on savait théoriquement que ça pouvait exister, mais on les avait jamais vues. Et avant de voir quelque chose, il fallait être sûr et avoir cette confirmation expérimentale. Donc, et les ondes gravitationnelles, à la différence de la lumière, sont un moyen aussi de sonder le cœur des phénomènes. Par exemple, les étoiles à neutrons, on en détecte grâce on détecte des étoiles doubles d'étoiles à neutrons, soit parce que ce sont des pulsars, soit parce qu'il y a une étoile à neutrons et avec une étoile normale qui orbite autour d'elle et qui absorbe sa lumière. Et du coup, on détecte la lumière de cette étoile, mais seulement de la surface de cette étoile. Avec les ondes gravitationnelles permettent de sonder le cœur des phénomènes. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, les ondes gravitationnelles qui sont émises proviennent vraiment du cœur de cette fusion et permettent notamment de cerner mieux quelle est la structure de ces étoiles à neutrons. Puisque ça reste un des mystères, les étoiles à neutrons sont les objets les plus denses qu'on puisse imaginer dans l'univers. Une seule cuillère à soupe pèse plusieurs fois la tour Eiffel. Peut-être même plus que la tour Eiffel. Oui, peut-être plusieurs fois la tour Eiffel. Et du coup, comment est organisée la matière à l'intérieur? Il y a des modèles théoriques, mais là encore, les ondes gravitationnelles permettraient de mieux cerner cette question-là. Aussi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été mentionné lorsqu'on parlait de la matière noire, c'est-à-dire les trous noirs. Les premiers trous noirs qu'on a détectés, effectivement, avaient une masse autour de 30 fois la masse du Soleil. Les deux trous noirs qui fusionnaient. Or, on connaissait déjà des trous noirs observationnellement, notamment par les rayons X chauffés par la matière qui est juste autour du trou noir, qui n'est pas encore tombé dedans. Mais ces trous noirs qu'on observait, ils mesuraient, ils pesaient une quinzaine de fois la masse du Soleil, au maximum. De l'autre côté, on sait qu'il existe des trous noirs vraiment supermassifs de l'ordre du milliard de fois la masse du Soleil au centre des galaxies. Mais des trous noirs de 30 fois la masse du Soleil, comme on disait, c'est un peu ça commence à être dans cette région intermédiaire où, au départ, les astrophysiciens doutaient que ces trous noirs puissent résulter de l'effondrement d'étoiles massives en fin de vie. Et du coup, la détection de ces trous noirs de transmasse solaire qui fusionnaient pour donner d'autres trous noirs encore plus gros a finalement ouvert l'hypothèse de nouveaux mécanismes astrophysiques, ou plutôt de modifier les mécanismes astrophysiques qu'on connaissait sur l'effondrement des étoiles massives. En particulier, on connaissait des étoiles massives supérieures à 30 fois la masse du Soleil. Simplement, on sait que plus une étoile est massive, plus elle émet ce qu'on appelle du vent stellaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle vit sa vie, elle perd de la matière. Mmh. Donc sa masse diminue. Et il est rare, une étoile, ce que me disait un astrophysicien, c'est que généralement une étoile de 30 masses solaires, finalement, à la fin de sa vie, elle s'effondre et ne donne qu'un trou noir de 15 masses solaires à cause de ce vent stellaire. Mais en observant des trous noirs de 30 masses solaires, une idée, c'était de modifier justement un paramètre clé qui régit ce vent stellaire, qu'on appelle la métallicité, c'est-à-dire le taux d'éléments plus lourds que l'hydrogène qui composent les étoiles. Finalement, si on joue sur ce paramètre, si on imagine que dans les galaxies où on observe des fusions de trous noirs, eh bien la métallicité n'est pas la même, ou alors que localement la métallicité de ces étoiles est plus basse, eh bien on peut imaginer que des étoiles ont un vent stellaire plus faible et donc puissent former des trous noirs stellaires aussi massifs que ceux qu'on observe. Et puis dans la quête des ondes gravitationnelles, il y a aussi une sorte de Graal aujourd'hui. Alors c'est un Graal, donc on ne sait pas si on va l'atteindre. C'est peut-être encore un objet hypothétique ou légendaire, mais tout de même, il y a l'idée que peut-être un jour on pourra avoir accès aux ondes gravitationnelles primordiales. Oui. C'est-à-dire celles qui auraient été émises au moment du Big Bang. Oui, remonter au-delà du fond diffus cosmologique. Oui, alors là c'est vraiment le Graal absolu, parce que le fond diffus cosmologique, donc 300 000 ans après le Big Bang, pour l'instant, ça, observationnellement, c'est un peu la frontière. C'est la limite. C'est le mur, l'impasse. Voilà. Et effectivement, il y a deux choses qui seraient vraiment un espèce de Graal, si on peut utiliser ce mot, pour les physiciens, pour aller au-delà. C'est effectivement, d'une part, détecter les neutrinos qui pourraient avoir été formés dès quelques secondes après le Big Bang, c'est encore, et ces ondes gravitationnelles aussi qui résulteraient d'une période qu'on appelle l'inflation, au moment où l'univers juste après sa naissance aurait grandi d'une façon démesurée en un intervalle de temps très court. Effectivement, ça aurait généré des ondes gravitationnelles, mais qui pour l'instant, avec les détecteurs actuels, on ne peut pas trouver. Mathilde, un mot sur les ondes gravitationnelles et sur justement ce nouvel outil, en fait, en quelque sorte. Oui, à chaque fois que j'interroge un chercheur au téléphone, généralement, je finis mon interview en lui demandant et sinon, la grande découverte, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Et donc, depuis 2015, invariablement, on me répond les ondes gravitationnelles et tous me décrivent leur espoir énorme de cette astrophysique observationnelle multi-messager. Donc après, quand on leur demande qu'est-ce qu'on va comprendre, ça va nous révéler quoi de la nature de l'univers, etc. C'est encore confus. En fait, on est à l'aube de quelque chose, quoi. Mais on voit bien que tous les astrophysiciens mettent énormément dans cet espoir-là et que ça va révéler sans doute l'univers, un tas de phénomènes qu'on n'a pas encore compris qu'on allait comprendre, en fait. Juste un dernier mot sur ce sujet. C'est bien, oui. C'est-à-dire pour aussi rebondir ce que tu disais, Mathilde, tout à l'heure, c'était les théories alternatives à la relativité générale. Puisque depuis le début de cette émission, on a parlé des pulsars qui confirmaient une nouvelle fois la théorie de la relativité générale, mais d'un autre côté, on sait qu'elle a ses limites, puisqu'elle n'est pas réconciliable avec la mécanique quantique, et il existe plein de théories alternatives, notamment pour essayer de décrire ce qu'est la matière noire. Et avec les ondes gravitationnelles, par exemple, on peut mettre des contraintes sur ces théories, puisque notamment avec la détection de fusion d'étoiles à neutrons, on a pu mesurer la vitesse des ondes gravitationnelles, déduire qu'elle est avec la précision, une très bonne précision, qu'elle est la même que la vitesse de la lumière. Et ça a permis déjà de faire du tri dans les théories alternatives. Vraiment, les ondes gravitationnelles sont, là on est dans la troisième campagne d'observation. Il y en a plein qui sont à venir, avec de nouveaux détecteurs, des nouvelles façons peut-être d'envoyer des détecteurs dans l'espace. Oui. Aussi. Ça aussi, c'est un grand projet. Tout ça, c'est vraiment un outil vraiment expérimental. On parlait tout à l'heure de la crise un peu théorique. Et là, les ondes gravitationnelles, c'est la perspective quand même d'avoir des données pour trancher dans ces théories. Il faut lire le numéro de la recherche de ce mois-ci pour en savoir encore plus. Le monstre du Loch Ness, c'est un copain à moi. Dans mon carnet d'adresses, il y a son nom grand comme ça. C'est un monstre gentil avec de beaux yeux gris. Pas méchant pour un sou, il est tendri, il est doux. Il est tendre, il est doux comme Patrick Beau. Et oui, quatrième saison de la méthode scientifique, on ne recule plus devant rien, plus aucune censure, plus aucun surmoi. Vous aurez droit à tout cette année. Bref, Patrick, me voilà bien embarrassé. Vous voulez nous parler du monstre du Loch Ness dans une émission scientifique et tout ça parce qu'un résultat d'analyse d'ADN de prélèvement effectué dans le lac écossais vient de mettre une sorte de point final à une légende, non pas vieille d'un siècle, comme je disais, mais de plusieurs millénaires. Absolument. Et je me suis dit que comme on était vendredi 13, le sujet était particulièrement approprié, évidemment. ans. Mais avant de dévoiler ces fameux résultats, je voulais dresser un petit historique des relations entre le célèbre monstre du Loch Ness et la science. Alors le monstre du Loch Ness, ou Nessie pour les intimes, c'est le symbole même de la cryptozoologie, hein, donc cette discipline qui se consacre à la recherche des animaux légendaires. Alors compte évidemment dans ce bestiaire le Yeti, Bigfoot, etc., etc. Le Kraken, mais le monstre du Loch Ness reste vraiment le plus emblématique. Et pour cause, donc, ça fait plusieurs siècles qu'on en parle. Les premiers récits faisant mention d'un monstre dans les eaux du lac écossais remonteraient au 6e siècle déjà. Mais c'est à partir des années 1930 que les témoignages vont commencer à se multiplier et que le monstre va acquérir une renommée internationale. Alors tout d'abord, il faut préciser qu'avec ses 56 km carrés et ses 7 km cubes, le Loch Ness est le lac le plus volumineux d'Écosse. On peut donc comprendre qu'une telle masse d'eau puisse attiser les fantasmes, d'autant que le site est souvent couvert de brume, hein, évidemment. Écosse oblige. Alors, les premières recherches « sérieuses » entre guillemets ont lieu dès 1934, lorsqu'un assureur anglais nommé Edward Mountain décide de financer une opération de recherche pour en avoir le cœur net, puisque donc à cette époque, on en parle beaucoup de ce monstre du Loch Ness, et donc lui décide vraiment de vérifier. Alors pendant 5 semaines, une équipe d'une 20aine de personnes va passer ses journées à scruter le lac avec des jumelles, des caméras et des appareils photos. Des caméras et des appareils photos d'époque, hein, des années 30. Au final, les chasseurs de monstres repartiront bredouille, ou presque, puisque l'un d'eux parviendra quand même à filmer un phoque. Donc c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Mais ça fait une belle photo. Voilà, mais c'était pas un monstre. Alors évidemment, les témoignages ne s'arrêtent pas pour autant, hein, bien sûr, ça ne fait que s'amplifier. Et les photos floues censées représenter le monstre se retrouvent régulièrement à la une des tabloïds britanniques. Alors il y a évidemment cette très célèbre photo qu'on a tous à l'esprit quand on parle du monstre du Loch Ness et dont l'auteur avait avoué sur son lit de mort, hein, que c'était un canular, bien sûr. Et figurez-vous, le saviez-vous, j'aime bien, c'est vraiment, on est vraiment dans vous allez voir, de la science hyper poussée. L'une des photos les plus célèbres de Nessie a été prise, figurez-vous, le 26 février 1900, qui est aussi ma date de naissance. Oh d'accord, superbe. Alors, à partir des années 60... Vraiment, on en apprend des choses dans la méthode, c'est fou. Allez-y. À partir des années 60, plusieurs équipes vont se mettre à examiner le lac à l'aide de sonars toujours plus perfectionnés. Et ces scannages vont se répéter jusqu'au début des années 2000. Mais là encore, ils n'apporteront rien de concluant. Alors, de temps à autre, on capte des objets peut-être un peu plus massifs que la normale. Mais rien ne permet de les distinguer d'un tronc d'arbre ou autre. Donc, ça n'indique absolument pas la présence d'un monstre. Et en 2003, la BBC finance même une grande opération de recherche impliquant 600 sonars et du tracking par satellite. S'en suivra un documentaire intitulé « Searching for the Loch Ness Monster » dont la conclusion est sans appel, le monstre du Loch Ness est un mythe. Cependant, les recherches ne se sont pas arrêtées là. En 2009, un groupe de chercheurs a utilisé un petit sous-marin pour examiner le fond du lac. Spoiler, ils n'ont pas trouvé le moindre monstre, mais en revanche, ils ont trouvé des milliers de balles de golf, car manifestement, les gens travaillent leur swing en tapant des balles depuis les rives du lac. Alors évidemment, sur le plan écologique, ces balles de golf sont bien plus inquiétantes qu'un monstre, hein, puisqu'elles mettront des siècles à se décomposer. Et nous arrivons finalement à notre étude ADN, dont les résultats ont été annoncés il y a quelques jours. Le 5 septembre. Exactement. Alors pour récapituler, depuis l'été 2018, une équipe internationale de scientifiques analyse l'ADN des eaux du lac afin d'établir une liste de toutes les créatures vivantes qui le peuplent. Donc c'est sans doute l'étude la plus poussée en matière de monstres du Loch Ness. Les échantillons prélevés ont permis d'identifier plus de 3000 espèces, incluant bien sûr des poissons, mais aussi des renards, des cerfs, des moutons ou encore des humains, puisqu'il suffit qu'un animal se déplace dans l'eau, évidemment, pour y laisser son empreinte. Des traces ADN. En revanche, pas la moindre trace de reptile géant, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est ce qui est censé être Nessie, hein, une sorte de descendant des plésiosaures, donc pas la moindre trace de reptile du tout. L'autre constat de cette analyse, c'est que le lac abrite une quantité considérable d'anguilles, voilà. Ce qui relance une vieille hypothèse selon laquelle les gens qui pensent avoir vu un monstre auraient peut-être simplement vu une énorme anguille à l'allure de serpent de mer. Une autre théorie populaire, c'est les colonies de loutres qui, de loin et dans la brume, peuvent ressembler à un monstre serpentiforme. Alors, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, malgré tout, tous les démentis de la science. Les photos floues de Nessie ont encore de beaux jours devant elles. Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, effectivement, à partir de ce mythe-là, on se rend compte qu'on a pu cartographier et avoir vraiment une vision d'un écosystème et d'un écosystème aussi vaste et aussi riche qu'est celui du Loch Ness, et notamment de plein de particularités, notamment de différentes couches de température, de profondeur d'eau. Enfin, on a vraiment du coup cartographié vraiment juste pour essayer de renseigner ce mythe. Finalement. Absolument. C'est ça un peu l'ironie de la situation, c'est qu'on part d'une pseudo-science, qui est la cryptozoologie, qui est une jolie pseudo-science. Et du coup, ce lac est devenu peut-être un des lacs les plus étudiés, les plus examinés. Et ça a donné lieu à de la vraie science. Donc là, on connaît en détail la composition biologique de ce lac. Et donc, comme quoi, bah, parfois, donc là, le fantastique peut mener à la vraie science. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a bien un Nessie au fond du lac, tout de même. C'est une réplique qui a été découverte en 2016. Qui est celle qu'avait utilisée Bill Wilder pour le film La vie privée de Sherlock Holmes. Et ils ont trouvé pendant une exploration une carcasse d'une réplique du monstre du Loch Ness qui elle aussi continue doucement et sagement à polluer les eaux du lac. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être un dernier tour de table s'il y a des sujets de l'actualité scientifique ou des choses à venir qui n'auraient pas été évoquées, qui n'auraient pas été évoquées, que vous souhaiteriez aborder maintenant, Sylvain. Moi, je voulais mentionner la parution dans le magazine La Recherche, donc en plus du mensuel, du hors-série sur les mathématiques. Comment les mathématiques décrivent le réel ? Une question assez vaste qui recoupe aussi les discussions qu'on a eues aujourd'hui. Mathilde ? Moi, je voulais parler du petit Titan. Je sais qu'il a fait l'objet il a été dans votre émission cette semaine et je voulais ajouter à ça que c'est vrai que on a beaucoup parlé de Saturne et de comment est-ce que le satellite Cassini avait révolutionné la connaissance de Saturne, mais on oublie souvent Titan, donc c'est la petite lune qui tourne autour de Saturne. La petite qui est l'une des plus grosses lunes. C'est ça. Et qui est petite solaire. À côté de Saturne et qui est le seul astre autre que la Terre à avoir un liquide en surface en permanence et à quel point Cassini a pu révolutionner aussi la compréhension de Titan et notamment hydrophobie mais non, c'est pas ça l'hydrologie merci de Titan. Et oui, puisque une étude qui est parue cette semaine et que nous avons abordée dans le journal des sciences indique que les lacs de méthane liquide à la surface de Titan pourraient être auraient été provoqués par des explosions souterraines et ces cratères là auraient été créés par ce type d'explosion. Voilà. Patrick, quelque chose dans le collimateur ? Alors, pas spécifiquement. Cela dit, est-ce que c'est le moment où on peut donc faire des annonces personnelles ou pas du tout ? On peut tout à fait parler d'un livre que vous allez écrire avec le camarade Pierre Kerner, par exemple. Exactement, Pierre Kerner, donc, qui est familier de l'émission. Un autre. Avec qui, donc, on sort un livre consacré aux merveilles du vivant, donc les espèces animales et végétales les plus extraordinaires de la planète. Le livre s'appellera Nature Secrète, il sort le 6 novembre aux éditions Dunod. Et juste une autre petite annonce, donc à la fin du mois 21 et 22 septembre, à Avignon. Donc, nous organisons le festival Frames consacré à la vidéo sur Internet et à la vulgarisation notamment. Donc, voilà, avis aux amateurs. Je tiens à signaler qu'il y a un auditeur qui a trouvé notre proposition d'organiser cette table ronde de débat autour des théories de la matière noire tout à fait intéressante. Donc, je pense qu'il va falloir organiser ça. Il n'y a que 7 chercheurs à inviter finalement. Ça tient dans le studio. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On pourra organiser ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Un mot, Mathilde Fontaise, donc à la une de Science et Vie ce mois-ci. L'univers caché et la matière noire n'est pas celle qu'on croyait. Sylvain Guilbeault à la une du magazine La Recherche. Les ondes gravitationnelles, la nouvelle astrophysique. Et Patrick Beau, outre ce livre Nature secrète avec le camarade Pierre Kerner chez Dunod, une prochaine vidéo dans les tuyaux. Absolument, donc qui sera une étrange escale à San Francisco. Très bien, et puis j'en profite pour vous rappeler que Les Idées Claires, tous les mercredis, ça a repris depuis la semaine dernière. Ce module que vous pouvez retrouver en podcast sur votre application de podcast favorite ou celle de Radio France, mais également en vidéo via les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, où on prend bien des grandes désinformations, des théories du complot, des idées reçues, et on essaie de les confronter à la réalité scientifique de la recherche. Eh bien, l'idée que nous avons cherché à déconstruire cette semaine, c'est de savoir si le chômage baisse vraiment et pourquoi les chiffres du chômage sont si contestés, pourquoi il est si compliqué d'avoir une lecture objective de l'évolution du marché de l'emploi dans un pays. C'est dans Les Idées Claires sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode scientifique, à Étienne-Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lezenne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de La Méthode scientifique, voici ce que nous vous avons préparé. Lundi, nous parlerons des fourmis qui représentent une biomasse plus importante que l'humanité sur Terre. Mardi, on parlera de propulsion solaire par la voile. Mercredi, nous évoquerons la possibilité de créer de toutes pièces un œil technologique, un œil bionique. Jeudi, nous parlerons de la science criminelle. Et puis, ce sera un vendredi fiction à l'occasion de la sortie du film Ad Astra de James Gray. Nous évoquerons ces grands réalisateurs qui ont fait une incartade par la science-fiction, de Kubrick à Nolan, en passant par Tarkovsky. Demain, à 16h, ce sera la conversation scientifique d'Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.